c'est fou là là. On a failli être en retard encore une fois. Hein. Puis en plus, on avait pas, on a trouvé porte close et tout. Ils sont, ils branlent rien. C'est le 8 mai. Voilà. Hein. Ouais. C'est, alors t'es là. Hein. Ben ouais, c'est je suis là. Et puis, Jamo est revenu. Ouais. Et nous avons des invités en la personne de Kawaii et Molotov qui attend parce que je sais pas quel est ton micro là. Quel est ton micro? Oui, c'est celui-ci. C'est plutôt Kawaii et Précaire ce soir. Ah, c'est mais... Kawaii et Précaire, pardon, oui, ouais. C'est vrai. Kawaii et Précaire, c'est une nouvelle organisation qui vont nous présenter ce qui va se passer dimanche au tout CCL. Voilà, un truc qui s'appelle Punk la CAF. Ouais, faudra, carrément. Ouais, on pourra discuter du titre et de pourquoi ça s'appelle comme ça aussi. Ouais, carrément. Oui. Bah voilà. Pour l'instant, pendant qu'on laisse ce vieux truc de clash qui se déroule en fond sonore et musical, n'est-ce pas, tout en même temps, on pourrait rappeler que c'est Pyongyang City Rockers, numéro 337. Ouais. Merci, madame. Et puis bah, on est ensemble jusqu'à 21h et vous êtes bien sûr qu'en plus en 106,6 ne bougez pas. Pour l'instant, les gros énervés envers soi de Borlab avec Shitty Oven, genre qu'il va falloir voir Dardar parce que moi j'ai jamais vu et par contre j'ai vachement bien. Donc bah les voilà, Borlab, B-R-O-R-L-A-B pour ceux qui cherchent, et puis on peut trouver des choses sur Bandcamp de eux. Donc voici le four pourri. Ça crie. Pardon. Oui. Bon, on a encore un petit soundcheck à faire, tu vois, avant de lancer nos invités. N'est-ce parce pas que là, on a quand même une installation spéciale ce soir technique. Et comme vous êtes à Radio Campus, technique est précaire, mais vous êtes à Radio Campus, donc c'est bon, quoi. Ça va marcher. Ça finira par fonctionner. Célia, comment t'as dit ? Ben, bon, ça va. je viens passer des nouveautés encore. Mais enfin, pas que, mais... Ah oui, moi j'ai des morts ce soir, j'ai deux morts. Ah ouais. Désolé. Hein. Ouais. Chacun son... Moi je fais les vieux trucs, toi tu fais les nouveaux. C'est ça. c'est une nouveauté de chez Phantom Records, c'est le label allemand qui sort pisseux. Ça s'appelle Rouge, c'est un groupe de garage punk, post-punk de Berlin. C'est un groupe assez récent, ils ont déjà sorti une démo cassette et là ils viennent de sortir un nouvel LP et je vais passer le titre Image de Rouge. Voilà. Youpi Rouge avec Image sur Pyongyang City Rockers. Vous êtes bien à l'écoute de Campus 106,6 et on a devant nous donc Kawaii. Ou alors toi c'est Kawaii ou Molotov, je sais jamais. Peu importe. Bon. Kawaii, j'aime bien Kawaii. Bon, Kawaii. Et puis tu es venu accompagné de Précaire. Exactement. Les deux ensemble, c'est un cocktail explosif. Ouais. Alors pourquoi vous faites exploser les trucs ? Eh ben ouais, on fait exploser notre colère déjà par rapport à la loi France Travail. C'est notamment pour ça qu'a fait le collectif Précaire à la base, il me semble, je crois. Tout à fait. On peut un peu présenter le collectif maintenant ? Eh ben vaguement, c'est ouais, vraiment. Des gentes précaires et leurs alliés qui s'organisent pour divers types d'actions. Pour essayer et d'informer les personnes sur les nouvelles lois qui visent à contrôler les personnes qui cherchent ou qui ne veulent pas chercher du travail. Oh bon, ça existe et, ça exactement. Oh là là, les fainéants. Ouais. Et aussi organiser des donneries, de la solidarité entre personnes qui se galèrent à vivre dans cette société. Ok, c'est un nouveau collectif ça ? Je pense que ça a plus d'un an. Ouais, quand même, ouais. J'étais pas au courant. Bon, maintenant on va y être, et on va encore plus y être, parce que vous co-organisez une soirée ce dimanche à partir de 18h au CCL. On peut la présenter un petit peu, quoi. Il y aura plein de trucs. Carrément, ouais. Il y a carrément plein de trucs du coup pour cette soirée au CCL, donc du coup qui est en soutien au collectif précaire. Il y a notamment donc dès 18h30 Caroline Conti et sa conférence RSA guerre aux pauvres et paix sociale, qui est une conférence gesticulée sur les thèmes évoqués, hein, simplement. Donc ça va faire plaisir aussi d'avoir une autre forme d'expression que la musique pour cette soirée. Donc ça va être ouais, Caroline Courty, je la connais un peu, c'est quelqu'un qui a bossé dans une à la NPE, ouais. Et du coup c'est assez cool et donc elle connaît l'autre côté, quoi. C'est ça, voilà. Et elle connaît l'absurdité aussi des moyens de contrôle. Elle s'est retrouvée tour à tour et contrôleuse et RSiste, et c'est un peu ça qu'elle raconte. Voilà. Et ouais, c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui a eu affaire aux deux côtés de la barrière et qui peut bien décortiquer le délire que c'est, mais que beaucoup de gens ici, je pense, qui nous écoutent connaissent, hein. On est tous passés par là, il y en a qui y sont encore. Voilà, on y reviendra tout à l'heure à ces affaires-là, parce que c'est intéressant. Mais pour l'instant, on va continuer sur le CCL, dimanche soir. Ouais, carrément. Et puis on va peut-être, avant d'annoncer peut-être toute la prog, passer un petit peu de musique, si ça vous branche. Ouais, si tu veux. Voilà, nous on avait avec Kawaii Molotov, du coup, l'opportunité de faire... un groupe qui s'appelle Demi Toys, voilà, qui nous contactait, qui ont contacté plein de gens au final, et on a pu répondre à ça, donc on avait l'envie de faire cette soirée, et ça collait bien en fait avec le calendrier du collectif précaire et pour financer du coup les rencontres précaires dont on parlera tous ici tout à l'heure. Mmh. Et un groupe chinois, deux chinoises, Riot Girl, qui viennent de Qingdao, la ville de la bière. Tu sais, la fameuse bière. Ah ouais. Oula, voilà. Ah ouais, encore mieux. Encore mieux, carrément. Elle rapporte des caisses avec elle ou pas? Je crois pas, je pense qu'elles sont déjà bien chargées avec tout le matos. Et puis voilà, ils sont six à voyager du coup également avec Rico, donc qui s'occupe de les recevoir, et sa femme qui est en contact avec eux, voilà, directement là-bas. Et puis tournée européenne, je crois. Ouais, grosse tournée européenne, ouais, ils arrivent de partout. Et on est très ravis de les accueillir à Lille. En plus, elles vont rester 2 jours, elles vont pouvoir se reposer avant d'aller à Birmingham et tout ça. Donc voilà, elles vont connaître un peu chez Kouaichi, tu vois. C'est bien. Kouaichi. Chez Kouaichi, c'est un truc chinois, ça. C'est ça. C'est bon, chez Kouaichi. Bon, allez. Bon, et du coup, let's go. On va envoyer deux titres d'un coup, si ça vous va. T'en prie. Un titre qui s'appelle... On va voir un coup, de la Qingdao. Ok, si tu veux, on est preneur, si tu nous invites, let's go. Hein. Donc un morceau qui s'appelle Wake Up et un morceau qui s'appelle Fight Against Domestic Violence, qui sont issus donc de leur dernier album War is Nightmare. Et du coup, c'est moi qui dois envoyer la musique. Let's go. Tommy Toys sur campus, c'est Pyongyang City Rockers numéro 337 avec des gens qui sont venus nous présenter Punk La CAF qui va se passer dimanche au CCL. Et ouais, carrément. Et donc du coup, ça Tommy Toys, ça va clore, enfin clore, non, oui et non. Mais ça va être le dernier groupe punk live de la soirée. Ça va jouer à 23h. Ça va vraiment tout déménager. Faut vraiment pas louper ce groupe, je pense. Ça va être trop bien. Alors, t'as l'air de professionnel, toi. Ça va déménager. Ça va déménager. Ouais. Et il y aura quoi, sinon? Et sinon, il y a plein d'autres trucs. Déjà, la soirée, elle va finir par un DJ set. Voilà, on commence, c'est un petit peu décousu, je sais, on fait pas tout dans l'ordre. Non, mais tu fais comme tu veux. Voilà. Tu présentes dans l'ordre que tu veux. Il y aura une DJ E4, qui fait un live techno et militant en même temps, tu vois. Genre ça va faire du gros boom boom et puis je sais pas, on va inventer un truc, j'en sais rien, mais tu sais pas, mais boom, ça va boom, être militant. Boom, ça sort de la police, je sais pas, un truc, tu vois, genre voilà, il y a beaucoup de ça joue et ça envoie des slogans, des choses, donc qui a mis le feu. Ouais, d'accord. Voilà, ce genre de choses. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Ça va être sympa. Bon, ça finit quand même à 2h, mais bon. Il y a une heure de fin qui est programmée. Ouais, à skip, c'est 2h. Mais on verra bien comment ça se passe. Et puis si le monde est toujours motivé, parce que n'est-ce pas, ça commence à 18h30 cette soirée. Il y a quand même. J'ai dit 18h, mais c'est l'ouverture des portes à 18h. Ouais, ouverture des portes à 18h, ouais. Et puis voilà, après il y aura de quoi se restaurer hein, durant cette soirée, donc pareil, cantine vegan à prix libre. Et c'est toujours délicieux. C'est toujours délicieux. Ouais. Et là c'est notre ami Lulu Kawaii qui se porte garante de la du plat, voilà. Et c'est toujours très bon. Tu désignes les meneurs, là, fais gaffe. Hein. Et donc si c'est pas bon, c'est à elle qu'il faudra en parler. Mais ça sera bon, donc il n'y aura pas besoin de faire ça. Et donc voilà, t'as quand même 4 groupes live sur la soirée, donc avec Violence Banalisée, Agua, donc je me demande pourquoi il y a Violence Banalisée, franchement. Ben, faut bien ouvrir, c'est pas mal d'ouvrir, j'aime bien. Et Agua, donc qui nous viennent du Brésil, c'est un duo qui font la show, enfin ouais. Chanson punk, anarcho-punk, on va dire. C'est René Binamé? C'est pas René Binamé. Je sais pas. Ou les slums. Mais c'est un punk pas très violent, c'est plutôt vraiment axé vraiment lyrics à fond. Donc ils développent leur côté libertaire et anarchiste, quoi. Donc avec beaucoup de chansons pas anti mais plutôt organisation, comment ils s'organisent, comment s'organiser entre nous et tout ça, donc un truc assez positif quand même. Et eux c'est pareil, ils sont en tournée internationale de l'Europe, voilà. Trop bien. En ce moment. Et avec les paroles sont en portugais. Ouais, brésilien, ouais, ouais, ça chante en portugais, ouais, tout à fait. Faudra traduire. C'est loin. Bah si tu veux, pour illustrer, j'ai une petite chanson là. Ça y est déjà. Oh, bah ouais. Allez, au revoir. À moins qu'on envoie, on parle d'autre chose entre deux. Hein, c'est, moi ça me va, comme tu veux. Je sais pas, là il est 8h20, on a le temps. Si tu veux, on peut passer à Goa maintenant. Allez, après ça, on fera une petite pause et puis on passera un ou deux trucs à nous. Allez, let's go, on fait ça. Donc alors par contre, ouais. Ouais. Mon portugais est pas ouf. Il est rouillé, ouais. Tu dis qu'il est rouillé, comme ça on croit. Il est rouillé parce que je suis allé travailler au Portugal, quelle honte. Mais voilà. Attends. Donc c'est issu de leur dernier album qui est sorti là pas plus tard qu'en janvier 2024. Le titre s'appelle Permanencia e Compartilhar. C'est une chanson qui parle de l'organisation. Voilà. Agua. Ah oui, c'est moi qui dois envoyer. Ah ouais, c'est toi qu'on veut. Attends. J'étais pas prêt. On va expliquer. Ah, c'est bon. Let's go! Célia, elle va lancer un truc. Et puis après, on reviendra à notre punk la CAF et on entrera dans les arcanes de l'organisation de cette soirée. Let's go. Festive et Allez. Militante. Qu'est-ce que je vais mettre? Moi, je vais rester dans des groupes allemands. Parce que bon, c'est un peu leur fête aujourd'hui, non? Bien amené. Okay. Je trouve, là, j'avoue quand même. Ouais. Je vais mettre un groupe de garage punk de Leipzig, ça s'appelle Ambulance. Ils ont sorti un premier LP en décembre 2023 qui s'appelle 2. Il est sorti chez It's Eleven Records, c'est un label de Chemnitz. Et avant ça, ils avaient une démo cassette qui date de 2022, donc c'est un groupe assez récent. Donc le titre, ça s'appelle Hours de Ambulance. T'es sûr que c'est pas Sleeping? Ah, peut-être je me suis... Ouais. Ah bah c'est peut-être Sleeping alors. Dis ça. J'aimais bien les deux, c'est pour ça. Pardon. c'est la cigarette. Et voilà, c'est ça. Et non, c'est pas ça qui l'a tué. Hein. Ce que vous venez d'écouter, c'est pas Short Days, c'est l'original des Dix, Hey the Police. Ouf, ça date de 81. Ou 80 même, je sais plus. Bref, tout ça pour annoncer ou commémorer, enfin dire que Gary Floyd, le chanteur des Dix à l'époque, est décédé à l'âge canonique de 71 ans. C'est un type haut en couleur, quelqu'un qui avait tout fait. Il était même déserteur et objecteur de conscience de la guerre du Vietnam. Vu qu'il avait 20 ans en 73, et je pense qu'il avait dû être appelé sous les drapeaux, puis bah, il n'y avait pas été, quoi. Et c'est bien, ça lui a permis de survivre, puis de faire des groupes de punk, et pas seulement après. En plus, au départ, il était de Austin, au Texas, et les concerts des Dix, il y a pas mal de concerts dans lesquels bah, il venait faire son chanteur de punk, mais complètement habillé en femme, quoi. À l'époque, en plus c'est le Texas, tu vois, profond, hein, et c'est le début des années 80 ou la fin des années 70, et ils étaient diversement appréciés, quoi, par la faune et la population locale. Alors le punk ça allait, mais par contre les autres qui étaient dans le bistrot, ça... Des fois, ça fritait. Après, les Dix, ils sont partis se relocaliser à San Francisco, je crois. Et puis, ils sont séparés en 84, me semble-t-il. Ensuite, Gary Floyd a continué à foutre le bordel, à être dans pas mal de groupes. Il a fait à la fois du punk, du rock, du blues. Il s'est converti au bouddhisme. Il faisait même de la musique, enfin du rock bouddhiste, on va dire. Ça comme ça. Une autre fois, je passerai à un truc de blues qu'il faisait, qui s'appelait Sister Double Happiness, qui était pas mal du tout. Mais pour l'instant, bah, voilà, c'était pour dire que c'était R.I.P. Gary Floyd, qui, paraît-il, aux USA, était quelqu'un qui était extrêmement suivi par beaucoup de gens, parce qu'il avait été une inspiration pour Terre Tous, quoi. bravo Stéphane. Ouais. Allez, on repart sur notre punk la CAF, et donc c'est alors t'avais des choses à dire sur l'orga. Exact. Alors cette soirée s'organise pour financer. En fait, financer quoi? Eh ben les troisièmes rencontres nationales, en tout cas dont nous ayons la connaissance, des collectifs et syndicats de précaires. Je me permets de vous lire la petite présentation. Pour lutter contre les attaques de France Travail, de la CAF et de toutes celles qui voudraient faire des travailleuses précaires et allocataires une main-d'œuvre corvéable à merci, des collectifs de précaires se sont formés dans toute la France et s'organisent contre Macron et son monde. Le nouveau projet de réforme France Travail vient s'ajouter à la loi dite de plein emploi, adoptée en fin d'année 2023. Mais nous, on avait déjà eu ces petites expérimentations dans les quartiers les plus en difficulté de Roubaix, par exemple. Et dans l'Aisne aussi. Exactement, et dans pas mal de lieux en France où les gens se galéraient déjà. Et donc, pour les faire chier, on est allé les emmerder, elles et eux. Pour rappel, cette loi, elle vise à soumettre d'ici janvier 2025 tous les allocataires, chômage, RSA, jeunes suivis par les missions locales et adultes en situation de handicap en insertion, à de nouvelles obligations, sous peine de suspension de ses droits, c'est-à-dire en fait de confiscation de ses thunes. Les agents de France Travail ont le pouvoir de décider de te sanctionner si ta gueule ou ta motive à chercher du taf les convainc pas. C'est la nouvelle police sociale à CAB. Et entre autres joyeusetés, on aura le droit à une multiplication des contrôles et des rendez-vous obligatoires, 15 heures d'activité par semaine au service du patronat, partage massif de nos données personnelles à tous les acteurs de ce nouveau réseau pour l'emploi public-privé, privation du chômage par délation des entreprises en cas d'abandon de poste ou de refus de CDI et mise en place de services de garde d'enfants pour pousser les femmes concernées vers l'emploi. Une super absurdité qui donne lieu à des 15 heures d'activité obligatoire mises en place par France Travail, qui pourrait être, par exemple, la garde bénévole des enfants d'autres bénéficiaires du RSA pour les mettre au travail. Et la boucle est bouclée. Si ça vous arrache et si ça vous botte de participer ou que vous soyez en France, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Les rencontres, elles auront lieu le week-end du 1er et du 2 juin. Si vous venez nombreuses et nombreux à la soirée, on aura de la thune pour défrayer le voyage des plus précaires. Et donc ça va se passer à Lille. Et ça se passe à Lille. Ouais. Tout se passe à Lille, capitale de la précarité, n'est-ce pas? Donc le 1er et le 2 juin. Et pour nous contacter, envoyez un petit mail à 59 en chiffres, punklacaf@riseup.net. Bon, on répétera cette adresse d'ici la fin de l'émission. Et puis on la remettra sur nos réseaux sociaux et tout ça, Pinotite Web. T'as vu. C'est quand même délirant, quoi. Déjà que le patronat, ils sont en train de bien mettre les gens en churme avec les histoires d'apprentissage et tout ça. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui font n'importe quoi et qui, au lieu d'embaucher des gens alors qu'ils ont la thune, ben, ils vont chercher des apprentis pour faire le boulot, mais à vil prix, quoi. Et en plus de ça, maintenant, ils vont avoir des esclaves payés par France Travail pour faire ça. Mais à côté de ça, ils peuvent pas embaucher des gens à tarif plein. C'est curieux quand même, hein. Incroyable. Voilà. Donc ouais, l'histoire de refus de CDI, je sais pas si ça servira beaucoup, parce que qui en 2024 se voit encore proposer un contrat à durée indéterminée. C'est une très bonne question. Mais bon, pour tout le reste, ouais, punaise, ça devient vraiment n'importe quoi, et c'est le retour de l'esclavage, hein, par la grande porte ou la petite, je sais pas. Carrément. Et ben on peut enchaîner avec un morceau de Carlos Curro, qui jouera aussi ce dimanche, donc les Lillois de l'étape. Y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres, ouais. Voilà un morceau qui s'appelle Fange, qui est sorti sur leur dernière EP qui s'appelle La Fange également, qui est sorti un peu plus tôt, en 2023. Let's go. Ouais, il envoie là. Faut qu'on explique ce qu'on fait. Vas-y, envoie. Ouais. C'est le matin. Ouais, ça marche pas. Hein. Carlos Curro, ouais. Vous savez que le monsieur, il a même pas ramené un titre de violence banalisée. On se demande vraiment pourquoi. J'ai oublié. Donc on va chercher ça rapidement. Tu vas meubler pendant que je cherche sur les internets. Ok, ouais. Ça marche. Bah écoute, on va meubler. Hein. On va pas meubler. On va rappeler, on va rappeler la soirée et tout. Ça va être bien. Donc ça se passe au CCL à Lille ce dimanche à partir de 18h30. On commencera par une conférence gesticulée Caroline Conti. Ouais, comme Wayne. Ouais, c'est ça, hein. Caroline Conti. Ensuite, il y aura un concert de Violence Banalisée, hein, qui sera suivi d'un concert de Agua, qui est de l'anarcho-punk brésilien, suivi ensuite de Chiaroscuro, qui est un groupe de punk de Lille. Ensuite, il y aura Demi Toys, qui nous viennent de Chine, et c'est un groupe Riot Girl, qui va nous faire du gros street punk. Ouais. Et la soirée se finira par DJ et Kat, du coup, voilà, en mode techno militante. Voilà, au CCL, 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes, tout le bordel, quoi. Tu vois. Tout le bordel, c'est prix libre, et ça servira à financer, du coup, le collectif précaire. Oui, donc, vous mettez pas 10 centimes, s'il vous plaît. Il y aura une fantoche vegan après la conférence. Voilà. Ouais. Entre la conférence et les concerts. Ouais. Trop ouais, bien. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, Violence Banalisée, que je sais pas, tu veux passer quel titre? Je sais que tu connais très bien leur répertoire. Très bien. Ouais. Donc, non, enfin, je peux le dire. Ah bah ouais carrément. Ah bah du coup, I don't know. T'as qu'à mettre violence banalisée, c'est très bien. Bon, et bah, un truc qui parle de la police. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, en plus ouais, ça marche bien. Les voici. Alors, puisque c'est comme ça, je vais lancer le PC mix. Ouais. Violence banalisée. Ouais, ouais carrément. Titre éponyme. Ouais, on l'a dit dans Pyongyang City Rockers numéro 337 dans ta radio campus. Et j'en vois. Même après, cher ami, Violence Banalisée avec Violence Banalisée qui seront ce dimanche au CCL pour Punk la CAF. Ouais. Ouais. Ça va, Jamo? T'es là? Ouais, c'est un mi maintenant. Il est là. Moi, je vais passer Potere Negativo. Bravo. Si. Ouais. l'album Benvenuto al Inferno. T'as compris ce que ça veut dire? Bienvenue en enfer. Ouais. Voilà. Ça, il parle italien, c'est bon. Alors, c'est sorti le 8 janvier 2024, je crois. Ou je me trompe? Ouais, ouais. Ouais, je me trompe. C'est le 8 janvier 2024. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est du 10 bits et tout, hardcore. Et le titre s'appelle Démonie. Donc on va l'écouter. Bon. Bon. Hey! vient de Milano. Ouais. Milan. Merci, Giamo. De rien. Mais Giamo, d'ailleurs, c'est un prénom italien, ça. Ciao. Si, bon, si. Alors, tu reviendras la semaine prochaine avec un truc italien, quoi. Italien. D'accord. Yes. Et on a décidément plein d'annonces à faire ce soir. T'as encore un truc à nous annoncer, mais c'est un concert. Et c'est un concert de punk, les petits punks. Du coup, le local de la CNT où se regroupent les petits chats noirs et rouges depuis des années à Lille, qui se trouve au 32 rue d'Arras, galère pour payer son loyer et vous propose le 18 mai à partir de 20h. À venir voir un concert de Hardcore for the Punks avec le groupe Rennais VCNCS Vacances. C'est difficile à dire, il faut enlever les A, vous regarderez sur Bandcamp, et qui ont sorti leur démo en 2022. Ça déchire et on vous propose un morceau Obedient, entre parenthèses, ACAB. Curieux, non ? Curieux. Oui, mais dans son coude. Et on a oublié de dire un truc pour ce concert le 18 mai là, au local de la CNT. Il y aura un DJ émérite cadet qui passera plein de disques, même du ska, je suis sûr. Exactement, avec ses meilleurs vinyles. Voilà. Voilà. Et donc il y aura vacances vcncs.bandcamp.com le 18 mai. Cool. Youpi, les 10 dernières minutes de Pyongyang City Rockers numéro 337, c'est maintenant. Et la sur parole Radio est à la défense. Ouais, c'est vrai qu'on est sur Radio Campus, t'as raison, punaise, j'ai oublié. Bah ouais, tu nous dis qu'il faut qu'on le dise et tu le dis pas. Bah, on est sur quoi ? Radio Campus. On est sur quoi ? 16,6. Ah ! FM, stéréo. Je te jure, et c'est marqué dab. Stéréo dessus. Le dab, comme d'hab. Le dab, t'as vu. Bon, et la parole est à la défense. Tu défends qui, là ? Je défends un groupe de fast punk hardcore de Barcelone qui date de 2020 avec le chanteur de Arrest. J'ai mis le nom, mais je connais pas. Mais ils avaient l'air d'avoir sorti plein de disques. Je me suis dit que ça parlerait peut-être à des gens. Le groupe s'appelle Throners. Ils ont sorti leur premier LP en avril 2004. Donc c'est tout nouveau aussi. Sur plusieurs labels espagnols. Bon, vu que c'est du punk hardcore, les morceaux dépassent rarement une minute trente. Donc j'ai décidé de passer deux morceaux. Bravo. Le morceau Reus et Golpe Arlo. Ouais. De Trondheim. I'm a little bell. On avait dit fast punk. Hein. Bon, oh, punaise, ouais. Bon, allez, il nous reste peu de temps là, donc j'attaque. Non, j'attaque rien parce qu'il est mort. Le deuxième décédé de la soirée, c'est Steve Albini. Lui a tout fait hein, dans le punk, le hardcore, le post, tout ce que tu veux, quoi, tout le bordel. Bassiste, guitariste dans des trucs comme Big Black, Shellac, que je vais passer juste après. Producteur du troisième album de Nirvana, entre autres. Hein, et plein, il a fait plein d'autres choses. C'est con ce qui arrive parce que son groupe Shellac avait annoncé en mars un nouvel album un peu plus tard dans cette année 2024. Donc j'en reste avec un de leurs chefs-d'œuvre, Disgrace, qui est sorti sur l'album Terraform de Shellac en 1998. R.I.P. Steve Albini. Voilà. Il était bien hein, ce presque silence au milieu. Je m'attends à avoir des réactions, mais c'est pas grave parce que là c'est bientôt la fin de Pyongyang City Rockers numéro 337. On revient la semaine prochaine pour le 338e. Mais pour l'instant, nous rappelons ce punk la CAF, si vous le voulez bien, chers amis. Ouais, carrément. Amis. Alors, dimanche 12 mai 2024 au CCL, concert de soutien au collectif précaire, ouverture des portes à 18h30. Conférence gesticulée by Carole Conti, RSA. Courti, arrête un petit peu d'écorcher son nom. Ah ben. J'ai mal écrit. J'écris mal. Carole Conti, ensuite il y aura Violence Banalisée, Agua qui nous viennent du Brésil, Chiaroscuro de Lille, Demi Toys de Chine, tout ça que du punk, et s'en suivra Didier et Kat, donc techno militante on va dire, jusque 2h du mat ou pire. D'accord. C'est prix libre. C'est prix libre. On va s'éclater. Ça va être bien. Viens. Il y a cantine vegan aussi. Ouais. Ça va être cool. Et puis sinon, rendez-vous le 18 mai au local de la CNT pour un concert de vacances et un DJ set. DJ Cadichon. Voilà. Et puis pour l'instant, on va se dire au revoir en envoyant quand même un petit titre que vous avez tenu à passer. Je ne sais pas pourquoi. Si tu vas expliquer quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est Punk la CAF. Atal don't like it la soirée. Voilà. Voilà, donc on... petit clin d'œil du coup au Clash. Voilà, pour finir. J'ai demandé si tu voulais passer plutôt le titre de Rachid Tom et t'as pas voulu, je sais pas pourquoi. Ah bah je sais pas, je sais pas si je pensais pas à celle-là. C'est tout. Tu préfères les Européens, c'est ça? Oh, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Donc bah, on se quitte vu qu'il nous reste 1 minute 30. C'était Pyongyang, c'était Records numéro 337. On se retrouve la semaine prochaine pour la 338e. Ne quittez pas l'écoute, dans 1 minute et quelques vous allez retrouver JD avec son Teeth Grinder. Ensuite il y aura B-Boy Bouillabaisse et on terminera la soirée campus avec Ce soir c'est occupé. Et puis après ça il y aura plein d'émissions demain. Et puis pour l'instant bah, on n'oublie pas à calme.